Dieu vous bénisse. Je vous salue tous ce soir dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons également les frères et les sœurs qui nous suivent à l'internet. Frère Michel Ilunga. Le frère Michel Balunga. Frère Rigen Kalala. Duku Rigen Kalala. Frère Meus. Duku Mers. Frère Alain Massipou. Duku Alain Massipou. Frère Riben Kamunga. Nanduku Riben Kamunga. Le frère Simon Ilunga. Nduku Simon Ilunga. Tous m'ont demandé de vous saluer au nom de. Je prie. Nous naomba. Mungu mtakatifu. Dieu saint. Tunasimatina ksanti. Te disons encore merci. Dieu, ton présence yako. Parce que nous sommes dans ta présence. Seigneur, tunafia kushikaneno yako. Nous voulons écouter ta parole. Tunakulomba we Mungu. Nous te demandons toi Dieu que tu puisses parler. Dieu, troba toto yako. Parce que nous sommes tes enfants. Kama unasema, si toi tu parles, tutaishi. Nous allons vivre. Kama unaacha mtu aseme, si tu laisses un homme parler, tutakufa. Nous allons mourir. Utusaidie. Aide-nous. Tubarikiwe. Que nous soyons bénis. En Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Tashimama. Nous allons lever. Genèse 24, 60. Mwanzo makumbi na ine, mustaya makumi sita. Ils bénirent Rebecca et lui dirent. Wakabariki Rebecca na kumwambia. Oh notre sœur. Oh dada etu. Puisses-tu devenir des milliers, des milliards. Patekuya mama batoto elfu na elfu. Et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Na. Que Dieu bénisse l'écriture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Pendant que nous lisons encore Genèse 22, 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai, et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ça, c'est une promesse. Et chaque semence d'Abraham doit marcher avec cette promesse. Comme Israël, c'est la semence d'Abraham charnelle. Alors cette promesse, Israël devait marcher avec ça. Parce que c'était sa promesse. Dieu lui a dit, ta postérité, la postérité d'Abraham, selon la chair, c'est Israël. Alors Israël devait marcher avec cette promesse. Devant n'importe quel problème, Israël devait rester tête haute parce qu'il gardait la promesse de Dieu. C'est la vérité, mes frères et sœurs. Regardez, même quand Dieu a envoyé Moïse chez Pharaon, Pharaon avait résisté. Mais comme Moïse avait la promesse de Dieu, l'opposition de Pharaon ne signifiait rien à Moïse. Alléluia! Lorsque Dieu t'a déjà donné une promesse, l'opposition ne peut pas anéantir la promesse de Dieu. L'opposition peut être là, mais la promesse restera intacte. L'opposition va passer, mais la promesse va rester. Parce que la promesse, c'est la parole de Dieu. Alors que la Bible dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole restera éternellement. C'est la vérité, mes frères. Quand Moïse est parti, Moussa, il a dit Pharaon, Atima Pharaon, laisse-nous partir, c'est Dieu qui nous a appelés. Pharaon a refusé. Et Pharaon a qui est l'Éternel? Nan, écoutez, lisons d'abord ça. C'est dans Genèse, et Exode plutôt. Ok, c'est Exode 10. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur. C'est compliqué ça. Dieu envoie Moïse et il endurcit le cœur de Pharaon. Bintu kama biende ke bien. Aina kusema aina mapenzi ya Mungu. Apana frère. Mapenzi ya Mungu aina bila binendeka katu sawa. Apana. Ça, comme sur le roulette, non. Ça peut être difficile. Mais kama minangaria sema. Bina kadre na sauti ya Mungu. Si ta sutuka ma obstacle. Si ta sutuka ibi bingine. Je regarde dans la parole. C'est la vérité. Parce que la volonté de Dieu, aïna sema inégala pas mou facilité. C'est pas toujours dans la facilité. Non, non. Ça peut être facile. Ça peut être encore difficile. Le problème, que ça puisse cadrer avec la parole. Parce que la pleine volonté de Dieu, c'est sa parole. Dieu ne peut rien faire en dehors de sa parole. C'est la vérité. Il dit, j'ai endurci le cœur de Pharaon. Pourquoi tu as endurci le cœur de Pharaon? Et le cœur de ses serviteurs. Pourquoi? Pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. Il a endurci le cœur de Pharaon pour qu'Israël aussi puisse palper la puissance de Dieu. Alléluia! Israël n'a rien à voir. Il est notre Dieu, il est puissant. Si Dieu les avait fait sortir comme ça avec facilité, il devait avoir quel genre de foi. La foi devait se tenir où? Il fallait afin qu'il y ait de grandes choses. Parce qu'à chaque fois qu'ils étaient en marche, il devait commencer à se souvenir à l'Égypte que Dieu avait fait. Il avait dit que Belaïmam, le même Dieu qui avait fait l'Égypte, il agira même ici. C'est la vérité, mes frères et sœurs. Dieu devait agir. Il aime assez que nous puissions voir sa gloire, que nous puissions expérimenter et voir vraiment fermement. C'est aussi pour que tu rencontres ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quel signe j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Nous savons que Dieu est le Tout-Puissant, c'est quand sa puissance se manifeste. C'est là que nous disons qu'il est le Tout-Puissant. Comment on peut l'appeler le Tout-Puissant si sa puissance ne se manifeste pas? Comment? Sa puissance doit se manifester. Quand sa puissance se manifeste, alors nous disons notre Dieu. Il est le Tout-Puissant. Ils sont sortis. Ils sont partis. Ils sont arrivés quelque part. Moïse a dit, ok. Mwende mule mukangarie kana. Allez un peu espionner. Mwangarie bile bikwamo. Observez ce qui se passe là-bas. Mwangarie kama bile Mungu alitonesha. Regardez si réellement ce que kama Dieu nous a kweri, c'est la vérité. Ou bien kama ni bia bongo. C'est faux. Kama tena Mungu alitulanda. Si Dieu nous a menti ou bien kama alitonesha vérité. Ou si nous a dit la vérité. C'est 13. Nombre 13, 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Cana, que j'ai donné aux enfants d'Israël. Bangariye, il est intimié. Minabakaburia. Espionner les pays que je les ai donnés. Yabo. Je les ai déjà donnés. Leur appartient. Et tout. Disaï seulement aller ni observer. C'est aller voir. C'est ce n'est pas bantu. Aller regarder les hommes. Alléluia. Amen. Je vous ai déjà donné. C'était leur promesse. Parce que là, ils étaient les enfants de la descendance d'Abraham. Alors la promesse que Dieu a donnée à Abraham, c'était pour eux. Allez-y. Qu'ils aillent voir le pays que moi, Dieu, il est mis Bakaboula. Que moi, je l'ai redonné. Le pays de Cana, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Anabatouma banenda moule. Les a envoyés là-bas. 22. Ils montèrent par le midi. Bakatoka kule ku midi. Et ils allèrent jusqu'à Hébron. Où était Aïman, Sheshaï et Talmaï, enfant d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans. Avant Tsoan en Égypte. C'est la vérité. Ne regardez pas la grandeur. Oui, qui m'a battu dans les pitiés. C'est à toi que ça te dépasse. Mouari Bonessa, Mouende Moukangari, Intire Misa Koumipa. Bomamboya Moukangari, Nakoubeba. Dieu nous a déjà donné des promesses. Notre problème, c'est récupérer cela. Mouenda Koubeba et prendre, mettre en possession. C'était ça leur problème. On te donne quelque chose. Il n'y a pas moyen de récupérer. C'est pour toi. Niaku. Tu discutes quoi? Ça, on a Oulisa Binini. Allez regarder les pays. Mais pas les bons Africains. Quand ils sont arrivés, ils ont regardé les géants. Même Moïse est ce qu'il va tirer à cet homme. Ils ont eu peur. Ils ont oublié la promesse. C'est ce que nous faisons souvent. Nous oublions la promesse. C'est la vérité. C'est pourquoi vous verrez un enfant de Dieu, il a oublié la promesse. Alors que Yeni Wakwenda Kumbingu, il a oublié. Ils ont oublié. Ils arrivèrent Bakafika jusqu'à la vallée de Skol, où ils coupèrent une branche. Ils coupèrent une branche. 27. Makumi, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. C'est pas les barienda moule. Ils sont arrivés là-bas. Baribé bako ma matunda. Ils ont pris quand même bana katamuchi. Bana failliote. C'était bien. Maintenant écoutez. 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité. Hein. C'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Voilà quoi dans mon exemple. Yo, ils sont venus à la la promesse était là. C'était pour eux. Ils sont allés, ils ont palpé. Ce que Dieu nous a dit là, c'est la vérité. Mais, lakini, pas les gens m'envoient dans c'est là où le problème commence. Mais, lakini, tu entreras au ciel. C'est la vérité, mon frère. Mais, ma faiblesse ici, c'est la différence. Il a une faiblesse, Yago. C'est ça votre faiblesse. Ça, c'est quoi ça? Il est nini. Nous avons la puissance, le pouvoir de dire non au diable. Vous avez vu, oui. Nous avons vu, mais les mains là, ni à ni vous savez d'où? Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Car les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer. Et le long du Jourdain. Mais, sœurs, malgré ces gens étaient là, c'était leurs ennemis. Quelle que soit la taille de l'ennemi, la promesse qu'ils avaient était plus puissante que les ennemis. Alléluia! Quelle que soit la taille de l'ennemi, la promesse que nous avons, elle est plus puissante que l'ennemi. C'est la vérité. C'est nous-mêmes qui baignons. C'est nous-mêmes. C'est très bon. Possédant les portes de l'ennemi. Tant de frères. Avançons. Ils ont commencé à expliquer les autres sont découpés, les autres dans l'autre côté. Et quand vous voyez, vous voyez leur poitrine, vous avez dit, même le pain ne peut même pas pénétrer. La promesse. La kini banasabu amalaku. Qu'est-ce que l'homme devant la promesse de Dieu? Devant la parole de Dieu. L'homme a été créé par la parole. Dieu peut l'anéantir par la parole. C'est la vérité. Ils ont regardé la taille de leur ennemi. Frère Shétan, le diable n'est pas joué avec. Écoutez mes frères et sœurs. Ici, nous, quand nous venons du haut de la chair, nous ne sommes pas ici pour vous montrer la puissance du diable. Mais quand nous montons du haut de la chair, c'est pour vous montrer la puissance de votre Dieu. C'est la vérité, frère. Aujourd'hui, il y a d'autres choses qui nous étonnent de foi. Quelqu'un qui parle, il prend la Bible pour convaincre les gens que les sorciers sont tous mini mauvais sort. Et il y a des mauvais sorts que le sorcier peut nous jeter. Nous ne sommes pas dans ces choses. Nous ici, on n'a pas besoin de vous dire ça. Nous devons vous montrer la puissance de votre Dieu.